Ben, de temps, mon père, c'était, ça devait être un peu plus pareil que nous. Hein. Ah, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il travaillait peut-être un peu plus que nous, parce que... Encore plus? Oui. J'entendais ma mère qui disait que mon père, il allait travailler pour 6 heures du matin, et puis il quittait à 7 heures du soir, alors... Ça faisait des grosses journées aussi, et puis ça n'empêchait pas qu'il en ramenait pour du travail pour faire chez lui. Voilà, c'est incroyable. Et votre mère, elle travaillait aussi Ma mère, oui. Ma mère, elle travaillait, elle faisait de la broderie. Elle faisait de la broderie. Ah, oui. Et c'était très fréquent, ça. Enfin, femmes faisaient de la broderie et de la dentelle, oui, et les hommes étaient métiers. Oui. C'est ça. Et le soir, ils travaillaient tous les deux dans la cuisine. Oui, oui.